Est-ce qu'il est fou ce monde? Moi plus précisément, je me réveille dans un cauchemar qui me décrit le visage de tout le monde. Mon amour, je veux la paix, donc va falloir leur faire la guerre. Bâtard, m'invite pas, plutôt évite-moi, car si tu croises mes meufs armés démons, tu seras vite mort. Mon ami, je veux la terre, maman, je peux plus dormir en paix. Est-ce qu'il est fou ce monde? Moi plus précisément, arrête-moi si je mens. Trop de vérité, je suis wanted, mec qui en 10 minutes, le bonheur diminue, ni à depuis minot. Trop de vérité, je suis wanted. Je suis à la fin du mois, je traîne devant le casino, j'ai vu leur poche quasiment pleine. Je suis pas d'humeur, on m'a ramené les armes de l'Est. Leur maniement et manie-moi, malheur et misère, HLM, ma part de merde, ma mère et moi. Et merde, j'ai pas dit mon dernier mot. Un dernier kill, un dernier billet. Prenez tout et enterrez-moi. Le pote ramène une tête de jerk. Chacun s'appelle mon chacal. J't'avoue que j'ai pas dit non. Les petits ont pris la relève avec la dame d'un patino. Bientôt la fin du monde, j'pèse. J'ai pas dit non, encore une autre, j'suis carrément en tête. J'vais patiner, malgré la mienne, j'rêve pas d'une autre thèse. Air belle ou rien, ma peine est belle, j'suis belle et bien. Celui que tu détestes vraiment, j'regrette rien de rien. J't'emmerde jusqu'en enfer pour la daronne. N'insiste pas, y'a pas de tarot. On devrait doter la parole. Le poteau sort à peine du placard, bien sûr qu'il prend sa claque. Faut dire que c'est pas pareil. Les petits ont pris la relève, mais leur mental c'est pas carré. Est-ce qu'il est fou ce monde? Moi plus précisément, je me répète que c'est dommage, mais je ne tends pas vers le changement. Mon ami, je veux la thèse, je veux ma pièce, je veux la caisse. La unité va Mendes en une pièce dans la Tesla. Bien sûr, je vais claquer tout ce cash. Le reste me touche pas, car je les connais, ces hypocrites, rien s'avoue et tout se cache. Je cherche dans le fond du bain.